il se terre, quand il se cache pour pleurer, quand il a peur, quand il a mal en crever. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes? Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Et qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale? On doit écouter ceux qui ont du talent. Qu'on des tripes, qu'on des couilles, qu'on la dalle. Ces petits auteurs gratteurs de guitare accablant. Nous, ce qu'on veut, c'est du beau, c'est du brillant. C'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime. Nous, ce qu'on veut, c'est le retour des belles gueules pour remplir le papier glacé des magazines. Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons? On a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles, c'est très bien. Mais ton petit grain de voix, on s'en fiche. S'il te plaît, va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur la fiche. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux. Négliger aujourd'hui le rôle du beau chanteur. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, qui font carrière, c'est tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui jouent du piano. Eh monsieur, toi qui veux retourner au noir et blanc, aux belles heures du passé, je suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès. Je suis pas persuadé qu'Edith Piaf possédait de belles jambes élancées, qu'elle allait défiler sur des beaux podiums avec des grandes marques de talons compensés. Eh monsieur, toi qui es nostalgique des chanteurs bien foutus, des bimbos, faut que tu saches un secret important, c'est que Brassens n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais, monsieur, parfois il faut se taire. Moi, je veux voir Hoshi sur un poster. Il faut des gens beaux.

Voici, je vous laisse avec du Boléro. Laissons notre cœur parler, laissons notre cœur aimer, le reste est sans importance, je pense. Il faut des milliers de jours pour toute une vie d'amour, le reste ne compte. Je suis fort et ne pleure pas, mais tu n'es pas. je pars, mais tu n'es pas là. Soledad, je lance dans la rivière cette rose, c'est ma prière. Et si tu la vois, tu sauras que je pense à toi. Voici donc du Charleston. Charleston, voici deux titres différents, c'est là, Java. We'll be right back. cravate et vert et basque. C'est dimanche sur les hanches, on va causer les demain. Ça fait longtemps qu'on la traque, la java des verts et basques. Maintenant qu'elle est là, on ne la lâche pas, on l'adore cette java-là. Les parigots nous l'ont pris, notre béret du pays. Ils n'ont plus rien sur la tête, il leur reste que la baguette. La dépêche nous va bien, on leur laisse le parisien. Le soleil est là, viens, il suit mes pas, on va danser la java-là. On va danser la java là, le soleil est là, viens et suis mes pas, on va danser la java. L'Espagne. Et puis juste après, le soleil. J'ai gardé le parfum d'une rose, le parfum d'une belle fille d'Espagne. Avec elle, j'ai connu tant de choses, toute sa vie et son pays de cocagne. Elle avait l'allure d'une gitane, des yeux noirs et brûlants qui vous enflamment. Chaque soir, avec ses castagnettes, Elle dansait le flamenco, c'était la fête. Elle avait l'allure d'une gitane, des yeux noirs et brûlants qui vous enflamment. Chaque soir, avec ses castagnettes, elle dansait le flamenco, c'était la fête. Chaque soir, avec ses castagnettes, elle dansait le flamenco, c'était la fête. Quand tout de ta vieille ferme, tu vis tes souvenirs. Et tu tricotes et files la laine comme au temps des plaisirs. Vieille sans âge, sur ton visage. Après la grand-messe, on devine, c'est vrai. Aux longs cheveux, aux tresses de neige qui grisaient ses amours. Marie-Soleil, Marie la plus belle des femmes de chez nous. ciel. Voilà, je vous laisse avec du passo. Suzette. C'est le bonheur, tout en couleur.

là, ceci, je viens du côté de l'Auvergne. We'll be right back. Donc, ben, je vous laisse avec le tango et puis juste après la valse. Thank you. sinon que la guinguette. Et puis juste après, Madison.

Voilà, c'est un morceau de Italie, c'est pour ça, voilà. Et voici donc Rêve, tout simplement, avec le rêve de l'archéroniste, le titre. Et puis juste après, on écoutera le passo. Thank you.

We'll be right back.

bien, toujours en Espagne, et puis juste après, on écoutera tout simplement du côté La Valse. Bon après-midi à tous. Les menus, ils tiennent, nous jouons. voici donc de la Java. Voici donc un morceau d'accordéon, bien sûr, et c'est La Marche. Voilà donc, et ma émission, bien sûr, bientôt touche à sa fin. C'est avec ce morceau-là qu'on va se dire tout simplement bonsoir. Mais il y en aura d'autres avant, bien sûr, l'heure de se quitter. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne après-midi, ma compagnie avec les musiques d'accordéon. Voilà, donc on va se retrouver bien dimanche prochain à partir de 13h30 et puis on se retrouve tout simplement et bien mardi et vendredi toujours à même heure à partir de 13h30. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à tous et à toutes. samba brésilien qui fait rire parisienne sans avoir l'air de toucher. Chacun de goûter le bêtise à côté du péché. C'est la samba brésilienne, une chanson païenne qui sent le moindre faux pas. Dans le bras de mon gars, vous avez vu tous les bras de là-bas. Dansez tous la samba. Dansez, mais n'exagérez pas. C'est la samba brésilienne qui fait mettre aux parisiennes sans avoir l'air de toucher. Chaque nuit de goûter des petits à côté du péché. Ninguém sonha em ser cardeal, só se não tiver juízo. Palavras de Américo Aguiar, depois do Papa Francisco ter anunciado que o vai nomear para o cargo. O Bispo Auxiliar de Lisboa confessa que não estava à espera e diz que esta é uma homenagem à juventude que prepara a Jornada Mundial. A capital da Lituânia está preparada para a Cimeira da NATO, à segurança máxima e também uma cidade com cores da Aliança Atlântica. Mais um dia quente de verão na previsão para amanhã. Nas ilhas, o normal, abertas e aguaceiros fracos nos Açores, sol no Funchal e possibilidade de chuviscos a norte e terras altas na Madeira. Porto 22, Ponta Delgada 23 graus. A esta hora, Funchal chegou aos 24, Faro e Lisboa com 28. Notícias com Ana Sofia Freitas. Américo Aguiar confessa que ficou surpreendido com a notícia de que vai ser nomeado pelo Papa Francisco para assumir a função de cardeal. Esta tarde, em Setúbal, o Bispo Auxiliar de Lisboa explicou como é que ficou a saber da notícia. Eu estava aqui a trabalhar, estamos aqui numa tarefa muito urgente e necessária para a Jornada Mundial da Juventude, a assemblagem dos kits, a montagem dos kits, e o meu telemóvel estava particularmente nervoso. E a certa altura espreitei e vi numa mensagem que tinha qualquer coisa de linguagem cardinalícia que eu li como brincadeira. Mas continuavam e a certa altura a curiosidade foi maior e fui ver e pronto, e tomei consciência e noção daquilo que tinha acabado de acontecer. Américo Aguiar confessa que não estava à espera desta nomeação. Apanhou totalmente surpreendido, mas eu estou convencido que o que o Papa teve no seu coração foram estes jovens. É esta preparação da Jornada Mundial da Juventude que é indispensável com eles. E acho que o Papa aqui...